les émotions douloureuses. Il n'est pas anormal de ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse, de la honte, de la détresse. Le problème, c'est d'être débordé par ces émotions, de s'y noyer, de les ruminer, ou de vouloir les empêcher à tout prix. Le passage par la pleine conscience est souvent utile lorsque nos émotions provoquent en nous de la souffrance ou de l'aveuglement. Et comme toujours, c'est plus facile si ces émotions ne sont pas trop violentes. C'est pourquoi il vaut mieux commencer par travailler en pleine conscience sur des émotions d'intensité modérée. Mélancolie plutôt que désespoir, inquiétude plutôt que panique, agacement plutôt que rage. Lorsque je suis habité et troublé par une émotion, plutôt que de me remettre à travailler, à agir, plutôt que de chercher à me distraire, je peux peut-être prendre le temps d'un détour par la pleine conscience. Je me relie tranquillement à l'expérience de l'instant présent, l'expérience de ce que je suis en train de vivre et de ressentir ici et maintenant. Que se passe-t-il en moi en ce moment? Je prends conscience de ma respiration. Je prends conscience de l'ensemble de mon corps tel qu'il est à cet instant. Mon corps qui respire, mon corps que je ressens. Je prends conscience des sons qui m'arrivent. Je prends conscience des pensées qui vont et viennent à mon esprit ou qui, peut-être, semblent absentes et silencieuses. Je prends conscience de mes émotions. Je les observe avec bienveillance. Que se passe-t-il en moi? Dans quel état me mettent-elles? En quoi est-ce différent de ce que j'éprouve d'habitude? En quoi est-ce douloureux? plutôt que de penser à mes émotions, j'essaye de les ressentir. Dans quelle partie de mon corps cela se passe-t-il? Quels en sont les effets sur mon souffle, sur ma manière de respirer? Quelles pensées, quelles envies, quelles impulsions mes émotions déclenchent-elles en moi en ce moment? Je permets à tout cela d'être là. Simplement, je m'efforce d'ouvrir ma conscience, de mettre de l'espace tout autour de mes ressentis. Je ne laisse pas mon esprit se rétracter autour de ces émotions douloureuses. Je ne laisse pas mon esprit se faire embarquer dans des ruminations, dans ces pensées qui tournent en boucle sur elles-mêmes, sans rien résoudre. Je ne cherche pas à réfléchir, pas maintenant, mais à revenir au corps, à respirer, à ressentir, à écouter, à observer mon expérience instant après instant. Instant après instant. Je ne suis pas dans l'émotion, mais dans la conscience de l'émotion. Et cela change tout. Je ne cherche pas à modifier ce qui arrive, seconde après seconde. Pas maintenant. Maintenant, je suis comme le nageur, emporté par un courant plus fort que lui. Je cherche seulement à rester à la surface et je regarde ce qui se passe. Je ne lutte pas contre le courant. Et j'observe dans quelle direction il m'entraîne, pour peu à peu, tout doucement, m'en écarter. Je reste à la surface, sans me faire engloutir. ces émotions qui me font souffrir, c'est juste une expérience humaine et normale. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que cela m'arrive. Et d'autres humains ont vécu ce que je vis. Ce que je peux faire pour moi, maintenant, c'est ne pas quitter le monde pour ruminer mes émotions. C'est rester dans le monde, avec mon souffle, avec mon corps. Ouvrir le plus grand espace possible, à cet instant, autour de mes émotions douloureuses. Je n'attends pas de cet exercice qu'il supprime mes émotions ou qu'il résolve mes problèmes. Je ne médite pas pour régler mes problèmes. Je médite pour qu'ils ne prennent pas toute la place, pour qu'ils ne m'empêchent pas de profiter de tout le reste de ma vie. Je médite simplement pour ne pas être asservi, altéré, anéanti par mes problèmes. Je fais ce détour par la pleine conscience pour me donner de l'espace, pour permettre à mon esprit de respirer, à mon intelligence de décider, à mon cœur de choisir. Prendre le temps de faire ce détour est précieux pour augmenter ma conscience, ma lucidité, ma liberté.